Merci, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir répondu à l'appel. Et nous avons nos 5 minutes de 7 minutes de notre générique. Et avec ces 6 minutes de retard, veuillez me pardonner. Et donc, nous allons démarrer. Il est grand temps pour vous donc d'inviter le maximum de personnes. Et comme je vous ai promis, je ferai le possible de parler moins, car c'est un sujet très sensible et ça recommande beaucoup de concentration, tellement beaucoup de concentration. Pour cela, je vais prendre Madame Jeanne d'eau, ce que je vous recommande souvent de boire. Il faut toujours boire l'eau de source, c'est très important, et conserver dans la Dame Jeanne. Et ne jamais boire de l'eau glacée, jamais. Plus de 50 ans de vie, je n'ai jamais bu de l'eau. Je peux dire depuis que je suis né, je n'ai jamais bu l'eau glacée. Ce n'est pas bon pour votre santé. Bien. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation. En fait, c'était à votre demande, hein, de parler de ce sujet très important. Et puisque certainement beaucoup de personnes ont dû hésiter de rentrer dans le live parce que je parle de comment réveiller et nourrir le serpent qui est en nous. Alors, je ne sais pas, ils se posent des questions. Ah, il vient de nous parler de sorcellerie à Teresa. Bon, en fait, pourquoi cette chaîne-ci? Cette chaîne-ci, comme vous le savez très bien, elle a été créée par votre humble serviteur pour promouvoir des questions qui sont taboues, en commençant d'abord par le bois sacré, qui est beaucoup démonisé, diabolisé, mais qui est exploité à travers le monde. Il est utilisé, même ici aux États-Unis, il existe un médicament qu'ils ont fabriqué à base de cela, qu'on appelle l'ibogaïne, qui est une drogue antidrogue. Donc, tous ceux qui sont dépendants des drogues et toutes ces histoires-là, de l'alcool, du sexe, vous prenez l'iboga, qui est l'une des propriétés chimiques de l'iboga, parce que l'iboga a des milliers de propriétés chimiques. Et une fois on les exploite à bon escient, vous verrez que la société fonctionnerait mieux. Bref, donc c'était ça le premier objectif, c'est de préserver et de protéger cette plante qu'est l'iboga. Et deuxièmement, promouvoir et faire connaître au public nos traditions. Et ces traditions qui, pour la plupart, viennent de l'Afrique, rassurez-vous. Cette tradition vient de l'Afrique. Pardonnez, quelqu'un veut faire le reproche. Ne paniquez pas. Ce sont mes frères de l'autre monde qui me visitent. Donc, ça veut dire qu'ils sont aussi présents avec vous. Vous avez sûrement vu à travers l'écran. Ils sont ici et maintenant avec vous. Et nous allons donc tous partager ces bons moments. Et ce sont eux qui vont pouvoir m'aider. Oh là là, c'est merveilleux. Ils vont m'aider justement à pouvoir mieux. À pouvoir mieux continuer sur ce sujet-ci. Alors, comment réveiller et nourrir le serpent qui est en nous? Mais de quel serpent s'agit-il? Pour ceux qui se reconnaissent, ils savent bien qu'il s'agit du serpent qu'on appelle le serpent de feu. Si vous prenez vos dictionnaires, vous allez chercher un terme qu'on appelle Kundalini. Je l'ai mal écrit sûrement, mais je crois que c'est K. Undalini. Kundalini. Kundalini en langue sanskrit veut dire le serpent de feu. Et ce serpent de feu, est-ce que c'est un vrai serpent au sens propre du terme? Vous verrez bien que ça n'a rien à voir avec un serpent. Ça n'a rien à voir parce que chez nous en Afrique, quand on parle de serpent, on voit tout de suite le fétichisme, on voit tout de suite la sorcellerie. Voilà pourquoi ce terme serpent a fait peur à beaucoup de gens. Mais je ne sais pas, vous qui êtes en Afrique, en Europe encore, ça vous le saviez, vous le savez très bien, mais vous qui êtes en Afrique, vous avez bien vu que dans toutes les pharmacies, il y a quoi? Quel est le symbole de la pharmacie? C'est bien un serpent, non? C'est un serpent qui est autour de quelque chose. Donc, le serpent symbolise la connaissance. Le serpent même symbolise l'éveil du divin. Le serpent symbolise en fait le bien et le mal. Le serpent symbolise, si vous voulez, l'être suprême. Ça va vous surprendre. Celui que vous appelez Dieu. Il est représenté par le serpent. Mais c'est le même serpent qu'on présente sous un portrait d'un esprit maléfique qui serait en contradiction avec le créateur de l'univers, n'est-ce pas? Dans certains écrits sacrés. Mais il ne s'agit pas de ce serpent. Il s'agit du serpent spirituel. Il s'agit de l'homme fondamental qui est endormi en vous. Cet homme fondamental est endormi en vous et il est lobé, pour ne pas dire enrobé autour de votre colonne vertébrale, devant votre colonne vertébrale. Effectivement, quand vous allez voir, bonsoir à tout le monde, pardonnez-moi, bonsoir, je crois qu'il y a tout le monde qui est là, il y a Nathalie, il y a Joseph, Nathalie, Maman Bourobou, et Serge, Monsieur Gipono, il y a Michou, il y a Patricia, il y a Michel, il y a Émilie, donc tout le monde est pratiquement là. Ceux qui viendront en retard, c'est pas grave, je suis trop retardé. Ici donc, nous allons parler, en introduction, je fais mon introduction, vous parler de cette notion sur le serpent. Le serpent qui est en nous, il s'agit d'une symbolique, il s'agit simplement de la symbolique, c'est-à-dire que chez d'autres, dans d'autres cultures, ils ont d'autres appellations. Dans d'autres cultures, on appelle le bébé qui est endormi en nous. Dans la culture, dans la culture gréco-romaine, dirons chrétienne, on nous dit l'homme qui est en nous, le nouvel homme qui est endormi. Parce que le vieil homme, c'est cet homme-là qui a été fabriqué à partir de notre déviation du cheminement spirituel. Ce vieil homme donc a pris le dessus. Mais le nouvel homme, en réalité, qui est le vieil homme, comme je vous avais dit, je m'érige contre cette traduction-là, en réalité, le vieil homme est en nous. Mais ce vieil homme n'est pas à considérer au sens négatif. Ça, c'est dans les croyances religieuses. Donc, on vous dira, créé à l'image de Dieu, vous êtes la ressemblance de Dieu. Mais cette ressemblance de Dieu est endormie en vous. Ça, c'est le discours gréco-romain. Maintenant, dans d'autres discours, on vous parlera, par exemple, chez les Chinois, ils vous diront que le dragon est endormi en nous. Mais ce dragon qui est en nous, il faut pouvoir le réveiller pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir avoir le contrôle de la matière. Et je vous signale que chez les Chinois, Mao Tse-tung a amené ce genre de dogme quand il décida de ramener le peuple chinois vers le bon chemin, vers le droit chemin, en s'en débarrassant de toutes les religions étrangères, y compris l'islam et le christianisme. Voyez-vous? Parce qu'il voulait leur faire comprendre cette notion du dragon qui est endormi en eux. Parce qu'il a éduqué aux Chinois que ce dragon-là, une fois on réussit à le maîtriser, une fois on réussit à le nourrir et ensuite bien le guider, dans une méthodologie bien pratique, et je vous donnerai les informations, ce n'est pas les Chinois qui me l'ont donné, mais ça je les reçois de mes frères tibétains, et moi-même j'en ai ajouté quelques-unes par rapport à mon expérience. Donc une fois vous avez tous ces outils disponibles à votre portée, vous pouvez tranquillement donc réveiller ce dragon qui dort en vous, qui sommeille en vous. C'est ce dragon qui vous permet de voyager dans l'espace et le temps. Maintenant chez moi en Afrique, on dirait que c'est votre vampire qui est en vous, mais ce vampire dort. Donc, au lieu de dire que le serpent, comment nourrir ce serpent, comment réveiller ce serpent, mais ce serpent qui est en nous, en d'autres termes, c'est notre vampire. Mais le vampire, pas au sens négatif, c'est-à-dire que l'esprit que Dieu a mis en nous, Inyemba. Inyemba, Inyemba, Inyemba, non, teta, teta, teta, teta, mwanga. Raga, raba, ngye, monara, keke, pungi, nago, rompombo, we. Mpungi, na we, meno. Mpungi, na we, nininye. Anive, fe, la, gini, na nyo, monara. Inyemba. Inyemba mnyono na unke dendembe. Inyemba nyepanga obaka nto. Obaka nto mo, rotika nto mo zange. Souvenez-vous, je vous avais dit que désormais, dans tous mes lives, je ferai toujours, que je passerai toujours quelques phrases dans une langue locale de notre pays, le Gabon, parce que je fais la promotion des langues locales, des langues nationales, et non la promotion du français. Mais, dommage que nous tous qui sommes réunis ici, eh bien, si je vous parlerai en ma langue, vous n'allez pas comprendre. Donc, on va utiliser le français ici comme moyen de transmission de la pensée. Et c'est pour cette raison, quand vous transmettez une pensée qui est d'abord au départ éditée dans une langue originale primordiale, la traduction de la pensée ne se fait jamais. On ne peut pas traduire la pensée et faire passer la pensée d'autrui à autrui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que quand je vous parle de Kundalini, ce ne serait pas la même compréhension qu'un Tibétain, un Indien qui est né au Tibet ou un Chinois qui est né au Tibet qui pratique le yoga tibétain, il va venir vous expliquer le même Kundalini, mais dans son expression et dans ses expériences à lui, vous verrez qu'il y aura une légère différence. Donc moi, j'adapte mon Kundalini, je l'adapte à ma tradition africaine. Donc c'est dans ce sens que je vais vous aider ici. Vous êtes déjà dans une démarche de l'éveil de votre Kundalini, de l'éveil de votre vampire, de l'éveil de votre serpent, parce que c'est le seul serpent dont il s'agit, qui n'est pas un serpent au sens propre, mais plutôt un serpent au sens symbolique, au sens allégorique. Ce serpent d'or, il est logé au niveau de votre colonne vertébrale, comme je l'avais dit. La dernière fois, j'ai même pris le soin de vous faire un chemin, et je ne me fatiguerai point de refaire ce chemin-là du serpent. Pourquoi? Parce que cela est très, très, très, très, très important de comprendre l'importance de la vie de manière générale. Parce que souvenez-vous que même l'homme, quand on est, même quand vous voyez la forme du sperme, c'est comme un tétard. Et lorsque la première créature se forme dans le ventre d'une femme, c'est un tétard que nous voyons. Mais à quoi ressemble un tétard? Voilà à quoi ressemble un tétard. Vous voyez? Voilà le tétard, à quoi ça ressemble? Comme un œuf. Mais au-dessus, c'est la tête et en dessous, c'est la queue. Et le même tétard, dans la définition du serpent, et voilà, j'ajoute maintenant le serpent à côté. Voilà le serpent. Maintenant, quand il s'agit, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce serpent est logé dans la colonne vertébrale de l'homme. Mais comment ressemble notre colonne vertébrale? La colonne vertébrale de l'homme, il y a la tête. Et puis, je ne vais pas faire un dessin trop sophistiqué. Voilà la colonne vertébrale de l'homme. Donc, nous avons le tétard, qui est parti du sperme pour la formation d'un être humain, et même pour la formation du chien, pour la formation du poisson. Tout part de ce tétard, poisson, animal, humain, tout part de là. Là, nous avons un serpent, d'accord? Et là, nous avons la colonne vertébrale de l'homme. Vous voyez, tout est là. Donc, quand on part du début de la conception de la vie, depuis le tétard, en passant par le serpent jusqu'à l'homme, c'est toujours un serpent. Voilà pourquoi on vous dit que la vie, le serpent symbolise la vie. Le serpent, quand on parle de vie, ça veut dire le bien et le mal ensemble. Maintenant, chez les sanskrits, chez les hindous, dans le langage sanskrit, ils parlent de ce qu'on appelle Kundalini. Maintenant, Kundalini, c'est quoi? Kundalini, c'est une énergie, ils appellent ça le serpent de feu. Mais en d'autres termes, c'est la grande énergie cosmique réellement qui est enfouie en vous, mais c'est endormi. Maintenant, il faut, par des techniques de méditation avancée, des techniques de respiration, des techniques de gymnastique du corps et tout, des sons, des chansons et ceci, cela, pour pouvoir permettre le réveil de ce serpent-là. Je vous ai dit, chez les Chinois, ils appellent ça le dragon. Mais ce n'est pas au sens propre, c'est au sens simplement figuré. Maintenant, je vais donc vous montrer la procédure par comment il faut faire justement monter ou bien réveiller. Bon, certains parmi vous ont déjà réveillé, mais la difficulté, c'est comment nourrir ou encore comment contribuer à sa montée en vue d'atteindre l'éveil total. Ou en vue d'atteindre le réveil total de ce serpent de feu, Kundalini. J'ai donc mis en place une technique que j'ai appelée le prêt. Veuillez noter prêt. C'est P-R-E-T. Le prêt, comme vous allez à la banque emprunter de l'argent. La banque vous prête de l'argent, et quand la banque vous prête de l'argent, vous avez des objectifs. Avant d'aller demander ce prêt-là, Vous avez un plan, n'est-ce pas? Le plan consistera pour vous de réussir dans votre vie, soit de créer un business, de créer une entreprise ou de payer des études à vos enfants, car en retour, vous allez avoir un gain. Donc, le prêt, retenez bien. Le prêt, donc, ici, que vous prenez, et ça, vous ne verrez dans aucun livre, et j'interdirai toute personne de faire une contrefaçon sur ces connaissances que je passe, car vous serez poursuivi, parce que tout ce que je dis est à la fin transcrit. J'ai un logiciel qui m'a coûté près de 3 000 $. Tout ce que je dis en français est retranscrit en anglais, en espagnol, et j'écris moi-même à la main en langue gomienne, comme je vous l'avais dit. Donc, le prêt. Retenez bien que les mots que je vais utiliser ont un sens. Le prêt, c'est le moyen par lequel le créancier va vous donner des moyens nécessaires pour vous aider à atteindre des objectifs. Mais souvent, les créanciers, ce sont les banquiers, n'est-ce pas? Vous partez auprès de la banque pour demander un prêt. On n'est pas tautologique, j'ai déjà expliqué. Donc, cet argent-là va vous aider à atteindre des objectifs. Donc, j'ai réfléchi à partir du mot prêt et j'ai décomposé le mot prêt dans la pratique du pranayama yoga ou la pratique du yoga kundalini. Et voici comment je l'ai décomposé. Bien, vous avez besoin du prêt pour pouvoir élever, réveiller votre serpent. Vous occupez de le nourrir. Parce que vous avez besoin de mettre des finances. Mais il ne s'agit pas des finances matérielles. Il s'agit de vous-même vous sacrifier pour le faire monter. Et vous devez veiller à son élévation. Vous devez veiller jusqu'à ce qu'il soit libre et d'exprimer votre divinité absolument dans tous les plans. On appelle ça dans toutes les 4 dimensions. Vous serez conscient dans tous les plans. Bien, le prêt en question, prenez note, le P, j'ai mis le P pour la pensée. Effectivement, vous ne pouvez pas faire ce grand travail de l'éveil de Kundalini tant que vous n'avez pas maîtrisé votre pensée. Donc, vous avez besoin d'utiliser la pensée. Et après, deuxième étape, il faudrait que vous appreniez également à utiliser la respiration. Oui, pour que Kundalini, le serpent de feu, s'élève, se réveille et soit nourri et puisse être au diapason de pouvoir être en mesure de vous donner tout ce que vous voulez parce qu'en réalité, il s'agit de votre corps divin. Il faut savoir respirer. Et ensuite, on avance à la lettre E. Et cette lettre E, j'ai expliqué ici qu'il s'agit de l'esprit. Donc, vous êtes obligé d'utiliser l'énergie, votre énergie mentale, l'esprit, différent de la pensée. La pensée, c'est au niveau de... Il s'agit ici ce que j'appelle la pensée créatrice. Et au niveau de la respiration, vous aurez besoin de 2 phénomènes de respiration. Mais dans cette... J'appelle ça les 2 cycles de respiration. Et durant ces 2 cycles de respiration, dans la respiration, il y a 2 cycles. Ça, tout le monde le sait. Inspirer, expirer. Mais ces cycles, dans la pratique du Kundalini, vous avez 15 secondes d'arrêt, de rétention et 15 secondes de repulsion. Donc, il faut le retenir. P pour la pensée. Pensée étant le véhicule par excellence, en vue de pouvoir atteindre un objectif, pour avoir votre fameux prêt, il faut la pensée. Et ensuite, dans le mot prêt, nous avons R. Dans le R, j'ai expliqué que c'est la respiration. Et dans cette respiration, vous avez 2 cycles. Il y a le cycle par inspiration de rétention et expiration ou inspiration rétention. Nous allons faire la pratique tout à l'heure. Et ensuite, il y a le T. Dans le T, c'est le toucher. Et souvenez-vous, ce matin, je vous ai parlé de 2 lois. Là-haut, c'est là, le T. Donc, P pour pensée, R pour respiration par cycle, avec rétention. E, esprit ou énergie renforcée. Et pour permettre cette énergie de bouger sous couvert de la pensée et de la respiration, vous avez besoin du toucher. Donc, il faut toucher. Là, vous ressentez cette chaleur. Là, vous ressentez cette boule. Là, vous ressentez cet élément, cette chambre qui commence à s'ouvrir. Effectivement, quand une chambre, il y a du bruit, on frappe à cette chambre. Vous frappez à la porte de la chambre. Voilà pourquoi il faut le toucher. C'est le thé. Donc, vous avez donc prêt, décomposé par votre humble serviteur. Pensée, respiration, esprit ou énergie, et toucher, ça fait prêt. Voilà le prêt que vous allez chercher de l'argent à la banque. Mais votre humble serviteur vous l'a décomposé de manière mystico-spirituelle pour l'application et la compréhension de l'éducation de ce soir, l'enseignement de ce soir sur Kundalini, ou comment réveiller votre divinité qui est en vous sans nécessairement passer par des gymnastiques de yoga. Donc, vous comprendrez que la technique de Kundalini de ce soir n'est pas peut-être appliquée également aux gens qui ne sont pas initiés au yoga comme nous autres, en prenant conscience des étapes que je vous indique. Alors, Vous avez retenu ceci. Il vous faut la pensée comme le premier moyen de véhicule. Il vous faut donc la respiration, savoir comment respirer. Et de la respiration, il faut donc conduire l'énergie. Mais cette énergie, elle résulte justement de la montée des Kundalini. Parce que vous sentez des douleurs, vous sentez des érections. Mais ces érections, c'est quoi? C'est une accumulation énergétique. Tout comme je l'ai expliqué dans la plupart d'enseignements, que le créateur des univers a créé tous ces univers au départ tout seul, sans le secours de qui que ce soit, par l'accumulation. Je répète, par l'accumulation énergétique. Donc, il s'est mis en un centre donné de tous les univers ou d'un univers quelconque, et en accumulant la somme de toutes ces énergies en lui, après un temps, il y a eu une explosion. Donc, ces énergies ont explosé. Et c'est là où on parle du fameux phénomène du Big Bang. Mais les grands connaisseurs, les théologues, les théosophes, les ontologues et les grands historiens mystico-spirituels, et même depuis l'Égypte antique, quand nous examinons ces grands documents qui renferment ces genres d'informations, ils nous diront que le fameux Big Bang se passa dans un silence absolu. Il y a eu simplement des particules, donc, suite à cette explosion qui s'est passée de manière magnifique et silencieuse, alors la matière a vu le jour. Et après la décomposante, le refroidissement des cratères, le refroidissement des coulées magmatiques, ça a créé finalement la matière qu'est la Terre. Et de la Terre, nous avons vu la verdure et tout. Donc, ici déjà, j'ai dit pensée, respiration. Et là, quand vous arrivez à la lettre E, l'énergie commence à bouger. Mais pour que Kundalini bouge, il vous faut d'abord prendre conscience par la pensée, n'est-ce pas? Et par la respiration. Bloqué. Et la pensée, le moyen, le véhicule par lequel vous allez vous concentrer à un point donné, s'il s'agit du chakra cardiaque, donc votre pensée s'est orientée et vous accompagnez par la respiration. Et le chakra donc en question va commencer à être en résonance mystique et invisible dans le silence absolu. Il va commencer à vous écouter. Et enfin, la dernière étape qu'il faut faire, c'est de toucher. Et je vais vous montrer comment toucher. Donc voilà, succinctement, ma méthodologie que j'applique et que j'ai prévue même dans mes ouvrages, et c'est ce que je ferai lorsqu'il s'agira de faire des séminaires. Mais rassurez-vous, aucun hindou, aucun indien, et même quand j'ai fait cet exposé auprès de mon maître tibétain, il me dit, voilà, je savais que vous êtes tellement intelligent, mais ce n'est pas possible. Waouh! Oui, c'est le mot qui m'a dit, waouh, man, I'm so impressed. How did you do that? Je lui ai dit, écoute, j'ai mes ancêtres. Voilà pourquoi j'ai mes ancêtres. Et puis, regardez derrière moi. Ces mecs-là qui sont ici dans ce temple, dans cette chambre, jour et nuit, ils me donnent des idées. Il suffit que je me détende seulement pour 10 minutes. Alors, maintenant, nous avons compris qu'au niveau du T, donc au niveau du T, le T, ce sera des passes magnétiques, et je vous explique comment ça se passe. Donc voilà, tout le discours se résume sur le prêt. Maintenant, une fois que vous avez compris le prêt, vous êtes maintenant avec votre prêt, vous avez déjà eu l'argent, et cet argent, c'est la connaissance que je viens de vous donner. Ce prêt, donc, pensée, respiration, énergie ou esprit et toucher, voilà, le serpent est maintenant entre vos mains. C'est à vous de le maîtriser. Mais ce n'est pas tout. Vous avez besoin d'autres éléments. Donc, une fois que vous avez tout ceci, les bains. Vous avez les bains, bien sûr, ceci avant de passer au prêt. Naturellement, vous n'allez pas aller dans une banque, vous êtes tout sale. Il faudrait que vous vous douchiez. Il faut vous faire beau. Mettre une crème. Vous parfumer pour sentir bien, pour impressionner. Donc, avant de passer donc à cela, vous devez prendre des bains. C'est des bains normaux, comme tout un chacun. Mais pour ceux qui sont déjà avancés dans la connaissance, qui sont avec moi depuis 3 ans que je balance ces enseignements-là, vous allez utiliser le bain mystique, c'est-à-dire travailler avec l'élément eau. Et il y a une vidéo qui l'explique ici, et dans les forums également, il y a un discours, une petite audio, je crois, de 10 minutes, qui explique comment vous pouvez maintenant vous remplir de l'énergie de l'élément eau. Ça s'appelle le bain à travers l'élément eau, pour que les esprits de l'élément eau vous purifient et vous habitent totalement et vous vous imprégnez de cela. Voilà pourquoi, dans ma procédure, je le répète, vous allez aller dans n'importe quel ashram, ils vous diront que M. Onouvier est assez spécial. Parce que ce que je vous donne là, on ne vous dira pas ça dans des ashrams où on vous enseigne le pranayama yoga ou kundalini yoga. Voilà. Et vous pensez que c'est une erreur quand les gens m'appellent maître? Je ne crois pas. Maintenant, donc, dans ces bains, nous avons un second bain qu'on appelle les ablutions. Allez-y, prendre le dictionnaire, on vous expliquera ce qu'on appelle l'ablution. Les ablutions, c'est simplement des semi-bains, c'est-à-dire, vous prenez les eaux, observez simplement les musulmans. Les musulmans font ce qu'on appelle les ablutions. Donc, je ne vous demande pas de parler comme les musulmans, mais faites le bain comme font faites les ablutions comme le font les musulmans. Si vous ne connaissez pas comment faire une ablution, eh bien, vous pouvez m'appeler en vidéo, ou bien rapprochez-vous, vous avez des musulmans autour de vous. Allez-y curieusement, leur dit, mon frère musulman, je vais apprendre les ablutions. Alhamdulillah, tu veux devenir musulman? Et oui, je veux devenir musulman. Or, vous prenez la technique des ablutions, il va sûrement vous dire, il faut dire, Ashadallah, Allahumma sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillah, Abab sab sab, vous n'avez pas besoin. Les ablutions, pourquoi? Mais parce que ces ablutions-là vont vous permettre, par la conduction de la pensée, je m'explique, par votre pensée, donc, à chaque fois que vous allez laver, par exemple, vous commencez à laver les mains, d'où ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai toujours dit, il est interdit de serrer la main à quelqu'un. Moi, je ne serre jamais les mains aux gens. Il faut prendre cette habitude. Car à travers les mains, vous transmettez ou bien vous recevez des effluves, soit positives ou négatives. Donc, il est très important de le retenir. Donc, les ablutions qui commencent par les mains, de la bouche plutôt, du visage, des pieds, de la tête, c'est significatif parce que tous ces 5 parties du corps symbolisent les entrées et sorties des éléments démoniaques à travers les 5 sens. Parce qu'effectivement, l'homme est bombardé, les pensées de l'homme sont influencées par les 5 sens. Voilà pourquoi chez les musulmans, ils font les ablutions sous 5 formes. Si vous comptez bien ces 5, les mains, la bouche, la tête, le visage, les pieds, la tête, ça fait 5. Parce que ce sont les 5 entrées. Bref, il vous faut donc faire les ablutions également, avant de faire quoi que ce soit. Et ensuite, vous avez, en dehors des ablutions, il vous faut ce qu'on appelle, le jeûne. Il faut jeûner. Vous devez jeûner pour si vous avez un emploi. Je parle de ceux qui veulent pratiquer cette technique-là. Si vous avez un emploi, donc, vous pouvez commencer le jeûne vendredi soir. Vous continuez samedi et dimanche, vous faites le jeûne. Et durant cette période de jeûne-là, vous faites ce que je vous ai dit là. Donc, vous faites les ablutions, vous faites ceci, cela. Et ensuite, vous devez brûler souvent des encens. Bon, il y a plusieurs types d'encens. Hein? Moi, je ne sais pas moi. Il y a des encens de méditation. Il y a des encens qu'on appelle les feuilles de sage. Là, je vais vous montrer quelques-unes. Ça, c'est un encens. C'est fait à base de feuilles vertes. Mais ces feuilles-là, je vous dis, elles sont très puissantes. Elles chassent facilement et rapidement des démons. Parce qu'il y a beaucoup des anti-poisons mystiques à l'intérieur. D'accord? Et il y a une autre. C'est celle-ci qu'on appelle la feuille de sage. Sage, hein, comme un homme sage. En anglais, on appelle le sage. D'accord? Ça également, ayez l'habitude d'avoir ça dans votre maison. Il faut brûler ça. Bon, maintenant, si vous n'avez pas ça, au niveau de l'Afrique, il y a d'autres feuilles que vous pouvez utiliser pour à la place. Vous pouvez commander un encens qu'on appelle l'encens pontifical. D'accord? Une fois que vous réunissez l'élément donc de l'achat pontifical, vous brûlez les encens. Également, je parlais du jeûne. Également, de prenez l'habitude de ne plus manger des viandes rouges. Viande rouge veut dire les viandes de bœuf, les viandes de vache. S'il vous plaît, vous verrez que quand Kundalini va se réveiller totalement et complètement, même pas totalement, à partir du quatrième chakra, au niveau du chakra mésentérique. Et jusque vous, lorsque vous arriverez au temple, au cinquième chakra, le chakra cardiaque. Quand vous arriverez au chakra cardiaque, vous allez voir tous les royaumes. Vous aurez la possibilité de rentrer à la cinquième sphère spirituelle, qui n'est pas facile et donnée à n'importe qui. C'est là-bas où gravitent et vivent les entités là que vous avez, les entités que les humains ont créées, les égrégores de Jésus, les égrégores des vrais maîtres qui ont vécu sur terre, les Abraham, Moïse, tous ces mecs-là. C'est au niveau de la cinquième sphère. L'affaire de Kundalini ou du serpent là que vous réveillez vous donne la possibilité de voyager dans l'espace et le temps. Donc quand vous aurez réussi à mettre en éveil le cinquième chakra qui est le chakra cardiaque, vous aurez la possibilité de voyager consciemment, je dis bien. Vous dites, je vais me rendre un peu au royaume des animaux. Et vous allez voir. Quand vous allez arriver dans ce royaume des animaux-là, vous allez voir les, il y aura les, vous allez voir les chevaux. Vous allez voir les vaches. Vous allez voir les chiens. Les animaux que vous ne verrez pas, ce sont les animaux qui vous sont autorisés de manger. Voilà pourquoi les juifs et les musulmans, vous voyez, ils mangent beaucoup plus les chèvres, les cabris. Parce que c'est les cabris et les chèvres, ils ne sont pas, ils ont été autorisés par la loi divine d'être détruit pour la nourriture de l'homme. Donc cela est très important. Évitez de manger les viandes rouges. Tout ce qui saigne, ce n'est pas bon. Au besoin, j'ai dit, je n'impose pas les gens d'être végétariens comme moi, s'il vous plaît. Je ne vous impose pas. Et je ne suis pas un végétarien à 100%. En fait, parce qu'il y a des moments où je mets un peu du poisson dans mes aliments. Donc, seule la viande blanche qui vous est autorisée. C'est-à-dire les œufs, le poisson. Ne touchez pas aux animaux. Ne touchez pas. Si vous voulez que Kundalini, vraiment, le serpent là, se réveille en vous, ne touchez pas. Et prenez l'habitude de boire du lait. Maintenant, je sais que les gens vont me poser la question sur la sexualité. Généralement, quand vous faites vos jeûnes là, parce que Kundalini, c'est un travail permanent. Mais je ne vous demande pas de priver votre mari ou votre femme que vous allez faire les exercices de Kundalini tous les jours, tous les jours. Après, vous allez en rester le divorce. Sauf si vous avez atteint un niveau tel que votre âme serviteur. En ce moment, vous demandez que chacun aille dans son coin. Mais, voilà pourquoi je vous ai parlé de jeûne de 3 jours. Mais durant la période de 3 jours, vous jeûnez. Vous dites à votre mari que j'observe quelque chose, s'il vous plaît. Ou bien vous dites à votre femme, s'il vous plaît, chérie, vendredi, samedi, dimanche, comme je ne travaille pas, autorise-moi, je fais un travail personnel sur moi-même. Je suis en train de réveiller le serpent qui est endormi en moi. Bon, voilà pourquoi on vous dit qu'avant de vous lancer dans une relation, il faut être des complices. Parce que si vous commencez à dire, je vais réveiller le serpent qui est en moi, mais elle, c'est une femme qui est chrétienne, qui croit au Jésus, et ben là, il y aura conflit. Elle dirait, voilà mon mari maintenant. Il a dit qu'il va réveiller le diable qui est en lui. Oh, ya, yo, pasteur, il faut prier. Donc, la bonne communication permettra de résoudre ce genre des idées préconçues. Bien communiquer et expliquer, si possible, exposer ma vidéo aussi. Voilà ce que M. Morio nous vient nous expliquer. Il s'agit de l'éveil de l'homme spirituel qui est en nous. Il s'agit par cette technique de faire mourir le vieil homme selon le langage chrétien, c'est-à-dire de faire mourir les mauvaises habitudes. Vous verrez que si vous observez tout ce que je vous dis là, vous n'allez plus passer le temps à pécher, c'est-à-dire il vous sera difficile de mentir. Pourquoi? Parce que dans les recommandations de l'éveil de Kundalini, on vous demande toujours de garder la pensée rivée vers la Kundalini. On vous demande toujours d'être occupé spirituellement. Or, quand vous faites l'éveil de... Quand vous voulez travailler sur le yoga de Kundalini, là, on va vous trouver des bizarres parce que de un, vous ne devez plus trop parler. On vous demandera, on va vous recommander de ne plus parler. Ça, là, vous pouvez demander auprès d'importe quel yogi. Ils vous diront, c'est vrai, on ne doit pas parler durant le processus. D'accord? Donc, le jeûne, l'abandon des viandes saignantes, les ablutions, le prêt, travailler avec la règle du prêt. Vous avez compris? Maintenant, dans la pratique, puisque je vous ai promis, le toucher. Souvent, Kundalini ne choisit pas l'heure et ne choisit pas le jour. Surtout lorsque vous avez déjà commencé le processus. Si votre corps est déjà léger, si votre corps est déjà, a déjà des prédispositions mystico-spirituelles, Kundalini peut se réveiller vite. Quelles sont ces prédispositions mystico-spirituelles? Ça veut dire que avant cette incarnation-ci, vous étiez sûrement quelqu'une ou quelqu'un qui était déjà initié dans une autre incarnation consciente. C'est pour cela que vous avez constaté à chaque fois, je vous dis que moi, je suis à ma troisième incarnation consciente. Ça veut dire que ce que je fais là, c'est la répétition de ce que je faisais il y a de cela 184 ans. Donc, sauf cette exception-là. Mais, si vous êtes novice, ça, vous n'avez jamais connu ce genre de choses, est-il possible, cette question m'a été posée par certaines personnes ici, est-il possible qu'en une incarnation, on peut réveiller le serpent de feu qui dort en nous? Oui, mais c'est rare. Les cas de personnes que vous voyez l'éveil, telles que cette jeune dame qui est en Hollande, et elle est en train de me suivre, elle me dit, maître, vraiment, je biloque sans pourtant trop faire des exercices. Je fais ceci. Malheureusement, elle a été poursuivie. J'espère que ça s'est arrêté. Les gourous ou certaines écoles mystico-spirituelles ont profité parce qu'ils ont visionné en elle. Ils ont vu que non, c'est une fille, une jeune femme qui a beaucoup de pouvoir. Elle est en train de me suivre. Peut-être je ne lui ai pas dit ça, mais il est grand temps, maman, que tu profites d'écouter ce que je te dis. Dans la pratique dont tu m'avais expliqué que tu t'étais associé à une école ésotérique, mais cette école ésotérique, tu t'es rendu compte que on vous apprenait à sortir, vous biloquez. En d'autres termes, ce qu'on appelle en Afrique, sortir en vampire. Mais au cours de tes sorties astrales, vous faisiez des expériences, mais tu as constaté simplement que malheureusement, depuis un bon moment, ces gens-là venaient toujours dans ta maison sans ta volonté. Et surtout, l'un des grands maîtres de cette association. Mais pourquoi? Maintenant, je vais te le dire, peut-être que je ne l'avais pas dit la dernière fois. C'est parce qu'il voit en toi une grande lumière. Je ne sais pas si quelqu'un te l'avait dit, mais je te le dis et je profite d'en parler devant tout le monde ici. Je garde l'anonymat de ton nom, mais tu te reconnais, tu es en Hollande. C'est une compatriote, une sœur africaine. Et toi-même, tu le sais. Tu aimes toujours t'isoler dans ta chambre, tu aimes toujours être seul. Et même les hommes te comprennent difficilement. Il y a des hommes qui t'approchent, mais ils ont peur. Parce que ton calme, là, fait peur beaucoup de personnes. Mais ce que je sais, c'est que les sectaires, enfin, les gens de l'association dont tu m'avais expliqué une fois, qui finalement ne te laissent pas la paix dans la maison, mais c'est parce qu'ils ont trouvé en toi un canal par lequel ils peuvent puiser aussi une partie de tes énergies, parce que tu as un grand réservoir d'énergie, surtout que tu aimes vivre dans la chasteté. Tu aimes la chasteté, mais n'oublie pas que quand tu vis trop dans la chasteté, les hommes vont toujours profiter dans le plan mystique. Et surtout, toi, tu es une jeune femme qui est... Waouh! Tu es même plus avancée que moi. C'est bizarre, ça. Retiens bien cela, hein, maman, toi qui es en Hollande, là. Tu es à ta quatrième incarnation consciente. Donc, moi, je ne suis qu'à la troisième. Imagine-toi, tu es même plus avancée que moi et tu ne te rends pas compte de cela. Maintenant, je te fais une révélation ce soir. Donc, continue ce travail de coups d'aligné là. OK? Mais dans ta chasteté, il ne faut pas trop priver ton gars, hein, parce que ça peut créer des inconvénients. Donc, voici la pratique. Le cas de la maman, elle, dont je parle, qui est en Hollande, elle, son cas, elle parle du deuxième chakra ou le troisième qui l'embête. Et ça la met dans un état colérique. Elle est toujours en colère et n'arrive pas à expliquer cela. Et c'est mon rôle de venir expliquer. Cette colère, c'est parce qu'il y a le détachement. Parce que Kundalini veut monter. Le fait que Kundalini veut monter, il y a cette pression-là. Mais comme il te manque quelque chose sur le prêt, souviens-toi, le travail que tu vas faire, maman, applique le prêt. D'accord? Waouh, le prêt. Mais je me suis rendu compte que le mot prêt a quatre lettres, donc P-R-E-T. Waouh, quatre. Vous voyez, voilà, depuis un bon moment, vous les voyez, c'est balade autour de moi. Ce sont eux qui m'ont dit cela, de choisir le mot prêt. Et je me rends compte que le mot prêt en a quatre. Donc, ce mot prêt-là, il faut l'appliquer dès aujourd'hui dans ta pratique pranique. Les livres de Kundalini que tu lis là ne t'expliquent pas ça, n'est-ce pas? Aucun maître de yoga, de Kundalini, vous explique ce que je vous dis, n'est-ce pas? Je vous dis, je vais m'appeler mon ami tibétain. Il me dit, toi, tu es vraiment, tu as un autre niveau, toi. Mais parce que ces gens-là que vous voyez autour de moi, là, et donc leur symbole est derrière moi. Mes 47 entités qui ont travaillé avec mes génies, mes ancêtres du Gabon, les 1001 entités de l'Inde qui sont à ma disposition, les 399 entités du Brésil, de la Macumba, sans compter ceux du Vaudou béninois. Tous les jours, ils me donnent des idées. Pendant que je dors, je vous dis, je ne sais pas quand est-ce que je dors. Quand j'essaie de dormir, je suis même dans la confusion. Je suis toujours conscient, même dans le sommeil. Parce qu'il y a des gens qui me parlent. Même pendant que je vous parle, là, ils sont en train de me donner des informations. C'est une lutte pour moi. Donc, prêt. Vous avez le prêt entre vos mains. À partir d'aujourd'hui, vous avez le prêt. Les 92 étudiants au Gabon, là, mes jeunes frères, mes fonctionnaires et étudiants dans les universités, vous avez compris, le prêt. Appliquez le prêt. Appliquez les ablutions. Appliquez les bains. Mais dans le prêt, j'insiste que dans le prêt, rappelez-vous, la première lettre, c'est quoi? C'est P. Donc, désormais, vous devez veiller à vos pensées 24/24. Maintenant, la pratique, parlant du toucher, je vous ai dit, il y a le toucher, n'est-ce pas? Donc, la maman qui se plaint des douleurs, plutôt parfois, il y a les douleurs, mais après, c'est la colère. Elle vit dans une tense et dans un état colérique. Il n'y a pas que elle. J'ai vécu la même expérience. D'autres, ce sont les érections incontrôlées. Mais je ne vais plus revenir dessus, je vous ai déjà expliqué. Maintenant, si vous êtes encore à l'éveil du premier chakra, vous vivez ces expériences du bol de chaleur au niveau de la base. Voici le doigt. Vous prenez le prêt, appliquez le prêt. Bien. Vous êtes assis en position du lotus, mais je vous le montre debout, juste pour une meilleure compréhension. Vous avez le doigt. Si c'est au niveau du chakra mésentrique, donc il est situé là, ce chakra est situé là, entre là, et il y a un troisième qui est le chakra qu'on appelle le chakra solaire, donc au niveau du plexus solaire. Qui est ici, et après, au niveau du plexus solaire, vous avez le chakra cardiaque. Donc, celui-là, il est au niveau du cœur. Après, vous monterez, et ensuite, ici, et le septième qui est au niveau de la glande pinéale. Mais tout se passe qu'avec ça. Mais vous verrez, vous n'aurez pas besoin de ça à partir du chakra cardiaque. Tout s'arrête au niveau du chakra cardiaque. Parce que du premier chakra qui part de la base, tout premier, jusqu'au chakra cardiaque, vous êtes encore dans un état de confusion entre la matière et le spirituel, donc entre le physique et le spirituel. C'est là où il y a le grand combat. Donc voilà pourquoi on exige que vous utilisiez le doigt. Donc le doigt, pourquoi? C'est que quand vous allez vivre les douleurs, le doigt, le toucher, ça. Le premier rôle du toucher, c'est lorsque vous aurez par exemple les douleurs au niveau de la base, utilisez le prêt. Donc, les douleurs sont là. Vous pouvez être à votre bureau. Dès que vous sentez les douleurs, accompagné de chaleur totale, vous prenez votre doigt, vous le posez. Et vous commencez à penser. Vous orientez votre pensée sous couvert des doigts. Et vous respirez. Mais la respiration avec deux cycles. Inspiration, 15 secondes. Rétention. Pensée en activité. C'est-à-dire visualisation, imagerie. Visualiser et imaginer. Donc, vous accompagnez la pensée par des visualisations, imagerie. En d'autres termes, créez les images que, en ce moment, par la pensée, vous parlez. Pensée créatrice. Donc, vous commencez à parler. Bouge. Bouge. Bouge. Monte, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Monte, monte, monte, monte. Je t'ai subi. Je t'ai subi pendant des jours. Je t'ai subi pendant des semaines. Il est grand temps que tu montes. J'ai compris. Les érections que j'ai tout compris. La chaleur que j'ai tout compris. Monte, monte. Et vous faites des pressions. Vous faites des pressions, d'accord? Vous faites des petites pressions. Si c'est au niveau du pénis, la base du coccyx, vous faites des pressions. Vous faites des pressions. On appelle ces pressions des pressions massages. Pendant que vous faites la pression, vous faites des massages autour. Vous massez. Vous massez. Mais c'est dommage que ça peut durer. Ça dépend. Moi, personnellement, ça avait duré près de 6 mois. Au même endroit. Hein? Là, je parle de cardiaque. Là. C'était grave. Je marche. C'est comme si j'ai l'impression que je ne touche pas le sol. Je suis dans les airs ou quelque chose comme ça. Et les voix. Des gens qui crient, des gens qui parlent. Mais je suis dans un endroit calme, dans une forêt, mais j'entends les gens, des voix qui me bombardent. Là, j'étais déjà en connexion avec le royaume des morts, la troisième sphère, la deuxième et la troisième sphère, et j'étais aussi en communion avec la quatrième sphère. Donc, les entités bizarres. Pendant que je dors, j'ai comme l'impression que je suis toujours en activité à l'état matériel normal. Alors, j'étais obligé, même parfois, étendu sur le lit, je mettais le doigt. Et le sommeil me prenait pendant que j'étais en train de faire cet exercice que je viens de vous dire. J'espère que vous avez compris. Je vis l'expérience. J'ai compris. Merci à vous les dieux. Merci à vous les entités de l'au-delà. Merci. Mon serpent. Merci de te réveiller. Merci. Merci. Tu t'es réveillé. Merci beaucoup. Merci. Donc vous faites les massages comme si. Vous voyez? Ces massages-là. Voilà. Souplement. Pas appuyer trop fort pour faire du mal. C'est souple. Si c'est au niveau du plexus, c'est la même chose. Vous faites la même chose, ok? Vous parlez. Donc, j'ai dit, tout se résume autour du mot prêt. Maintenant, si vous ne comprenez pas cela, voilà pourquoi je vous ai dit que ce genre de connaissances-là, c'est compliqué. Ce n'est pas en plein live comme ça qu'on peut vraiment vous expliquer toute la haute technologie mystico-spirituelle. Surtout lorsque vous avez quelqu'un qui a reçu des modifications auprès de ces entités. Parce que eux-mêmes, les Tibétains, ils ont une autre méthode, mais certes, ils utilisent le massage de la main et ils parlent. Mais ils ne vont pas vous expliquer bien dans les détails toute la technologie interne qui se passe là. C'est ça le problème. Donc, quand ils écrivent ces livres, je vous ai dit que le livre, c'est 99% de transpiration. Vous serez là en train de chercher, mais qu'est-ce qu'il veut dire, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il veut dire, mon Dieu? À 13 ans. Par exemple, ce monsieur-là qui m'a écrit. Qui a écrit ce gros livre sur la prostate. Bon, là encore, je le comprends. Il y a les dessins, tout est expliqué. Mais il y a d'autres, vous n'allez rien comprendre. Mettez la tête en bas, en haut. Quoi? La tête en bas, en haut. De quoi il veut parler? Il ne rentre pas dans les détails. Voyez-vous? Pensez. Maintenez votre pensée en érection. Hein? Maintenez votre pensée en érection. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, deux fois, le mec qui a écrit, il y a certains grands yogis, je vous dis, il y a des grands yogis hindous qui ont écrit des livres Mais je vous jure que c'est compliqué. Pourquoi? Mais parce que le gars atteint un grand niveau mystique. Lui, il parle dans un langage très avancé. Que maintenant, toi, le Niakouin qui est à un niveau peut-être de néophyte ou apprenti ou compagnon, mais tu as des problèmes pour comprendre ce qu'il dit. J'ai même vu des mecs tomber en sommeil, dormir, parce que c'est trop fort pour eux. Voilà, donc en résumé, retenez que c'est ça. Le travail des Kundalini, c'est à travers le prêt. Je vous ai tout facilité pour éviter un long discours. Donc réfléchissez sur le prêt, c'est quoi? C'est la pensée, la respiration. Mais une respiration avec deux cycles. La rétention de 15 secondes, vous parlez, et puis vous expirez. Et pendant que vous expirez, vous parlez en même temps. 15 secondes également. Vous répétez l'opération. Répétez cela. Et rassurez-vous que vous le faites dans un calme absolu, loin de bruit. Et rassurez-vous que vous le faites quand vous jeûnez. Il faut jeûner de temps en temps. Je ne vous demande pas de le faire de lundi à dimanche. Surtout si vous travaillez. Bon, sauf les gens comme nous autres. Moi j'ai un privilège que dans mon travail là-bas, je suis seul dans mon bureau, je m'enferme. Je peux le faire et les gens ne rentrent pas sans mon autorisation n'importe comment. Même mon chef, avant de rentrer, elle est obligée de m'appeler. Elle me dit, Guy, can I see you? Yeah, come on in. Are you busy? Yes, I am, man. All right. What time you think I can see you? Oui. Les Blancs savent respecter. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Mais je dis merci encore à mes gens-là qui sont avec moi. Donc, bref, retenez cela. Le jeûne, abandonner les viandes rouges, la chasteté est renforcée, le silence est exigé. Là, vous comprenez pourquoi j'exige souvent mes 3 jours de silence. Dimanche, lundi et mardi. Quand je dis je ne veux pas parler ce jour-là, il y a plusieurs raisons. Non seulement parce que nous sommes une divinité. Vous avez déjà entendu Dieu parler verbalement. Il parle dans le silence. Et pendant ces 3 jours-là, c'est durant ces 3 jours-là que moi je m'adresse à lui dans le silence. Donc, cela est très important que vous le sachiez dès aujourd'hui. Bien, maintenant, j'ai tout fini. Vous avez pris bonne note, j'espère. Vous avez pris bonne note, j'espère. Et que tout cela, tout est clair. Vous avez bel et bien pris note. Maintenant, nous allons passer aux phases de questions. Mais avant de passer aux phases de questions, je vais d'abord répondre rapidement aux questions qui m'ont été adressées par correspondance. Ça vous permet, entre-temps, de préparer les vôtres. Et pendant ce temps, bien sûr, je peux vous mettre un peu de la musique. Pas de la musique, mais je veux dire. Bon, un autre détail très important, toujours pour Kundalini, ayez l'habitude de mettre. C'est parce que, bon, la musique que j'ai sur YouTube, je n'ai pas les droits d'auteur. Choisissez toute musique, vous verrez. Kundalini Music. Ou musique de Kundalini. Donc, une fois que vous avez brûlé les encens brûlent, vous êtes déjà en phase prête, vous êtes déjà en posture, mettez la musique. Mais souvent, la musique exigée, c'est la musique de Kundalini. Ou bien, simplement musique yoga. Ça va vous accompagner. D'accord? Cela est très, très, très important. Bien, je vais donc tenter de répondre aux questions des gens. Je ne sais pas là où j'ai laissé mes lunettes. Pardonnez-moi. Bien. Je profite de la lumière là pour répondre aux questions parce que je ne retrouve pas mes lunettes. Mais ça doit être quelque part, en tout cas. Bien, bien, bien. Voilà. That's terrible. I can't see my glasses. What's going on? Ok, je peux quand même lire. Le problème, c'est que la qualité de la lumière n'est pas bonne. Je vais retrouver les questions en question. Préparez vos questions pendant que je suis en train de chercher celles qui m'ont été posées ici. Bien. Lui là, il n'a pas parlé. C'est pas une question. Bonjour, petit droit aux questions. Voilà. Bien. Voici les questions qui m'ont été posées ici. C'est toute une série. C'est une série de questions. Première question. Bon, les consultations, je ne peux pas en parler en plein live. Hein. Tout le monde devait savoir. Vous me contactez en privé. Voilà. La question. Y a-t-il des dettes karmiques des familles, c'est-à-dire que vous vous payez les pots cassés que vos ancêtres vous ont fait subir? À cette question, je dirais ceci, oui et non. Mais normalement, il faut bien retenir que le terme karma veut dire la somme des déboires ou des problèmes que vous avez causés à autrui, vous individuellement. D'accord? Est-ce que vous individuellement, vous avez fait des enfants? Est-ce que les enfants peuvent payer ce karma? Oui. Mais pas de manière assez agressive. Oui, pourquoi? Parce que ils sont un peu sous le coup de cette malédiction-là. Mais ils ne vont pas trop subir ça de manière brutale. C'est vous qui devez payer votre propre karma. Maintenant, du point de vue général, dans les familles, bon, il y a des gens qui déposent des malédictions, qui laissent des grandes malédictions pour punir tout le monde. Et puis voilà, on dira des générations en générations. J'ai assisté, j'ai déjà vu ça. De génération en génération, vous n'allez jamais réussir. Vous serez ceci, cela. Il y a des gens qui prononcent ce genre de malédiction seulement parce qu'ils sont surtout des malédictions qui sont accompagnées de colère. Ça, c'est le genre de malédictions qui ne sont pas faciles à pouvoir faire partir parce qu'il y a eu des énergies négatives, la colère et tout, donc ce n'est pas facile. Pour ce genre de cas-là, oui, il peut exister, il peut arriver que la famille, donc la malédiction qui pèse sur toute la famille, peut bloquer l'évolution de certains membres de la famille. Vous m'avez posé la question, et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il y a toujours, comme dans toute technologie, il y a toujours des voies et moyens pour pouvoir échapper à ce genre de choses. Oui, il y a la possibilité de s'en débarrasser. Pour se débarrasser de ce genre de malédiction familiale, il y a d'abord la prise de conscience, puisque vous êtes conscient. Vous avez fait une prise de conscience. En ce moment, si les auteurs de ces malédictions vivent encore, il faut les confronter. Parce que souvent, le sorcier a peur quand on l'affronte. Je répète, le sorcier a souvent peur lorsque vous lui parlez face à face. Les sorciers n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas se faire humilier. Donc, vous leur parlez face à face, vous leur dites, ben, ma vie est bloquée. Et au vu des références et des informations que je détiens, c'est vous qui êtes responsable. Donc, nous convoquons une réunion familiale. Ben voilà pourquoi en Afrique, et même si aux États-Unis, ils appellent ça des reunion family. Ça existe partout, hein, même chez les Blancs. Donc, c'est au cours de cette union-là où les paroles vont être prononcées. Il y a une cérémonie qu'il faut faire, hein, il y a tout un cérémonial. On appelle des okambi, donc des bons parleurs, des hommes sages ou des femmes sages, qui vont venir parler. Il y a des cérémonies qu'on fait. Hein? Donc, on réunit tous les enfants, tous les petits-fils. Et il y a des accessoires. Moi, j'ai assisté chez moi. Et il y a des accessoires, c'est-à-dire qu'il y a le kaolin blanc, il y a ceci, il y a cela. Il y a des licornes même qu'il faut payer. C'est toute une cérémonie. On parle et il faut supplier les génies, il faut supplier les ancêtres qui ont laissé cette malédiction-là. Surtout si la personne ne vit plus. Maintenant, si la personne vit, il faut l'affronter, lui dire non. Et cette personne peut publiquement reconnaître son tort. Mais malheureusement, dans certains pays, en Mozambique, au Bénin, et il y a un autre pays, en Sierra Leone. Waouh, le sort est grave, hein? Parce que si on découvre que c'est vous qui êtes l'auteur, si vous n'avouez pas, même avant d'avouer, on vous bastonne devant tout le monde. On vous humilie très bien et violemment. Maintenant, si vous n'osez pas suivre le rite de désinformer, de détruire, en un mot, le rite de destruction des malédictions, eh bien, on vous tue. Et pendant qu'on vous tue, on prononce en même temps la sentence que si tu es tué, c'est parce que tu as voulu tuer la famille. Donc, tous les malheurs, toutes les malédictions de la famille vont mourir avec toi. Ici et maintenant, et tu t'en vas libre. Tu nous laisses libre et tu t'en vas avec le fardeau des malédictions que tu nous as infligées. Voilà un peu, ça c'est la forme classique, traditionnelle. Maintenant, il y a la forme mystique. La forme mystique, c'est quoi? Bon, vous savez bien, vous connaissez la personne qui l'a fait, vous avez peur de lui, de l'affronter, ou bien vous ne connaissez pas la personne, mais vous allez voir un sorcier, c'est-à-dire un expert des arts occultes, d'accord, qui va vous dire, bon, ben, écoutez, ben, nous allons faire des travaux. Et c'est des super blindages qu'on fait. Ces super blindages vont être précédés d'abord par des techniques de purification de toute la famille et tout, et tout, et tout. On va protéger toute la famille, on va purifier toute la maisonnée, et il y aura des paroles de destruction qui vont être machin. Et savez-vous même que ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont partis, on peut également rendre leur vie difficile. Oui, il existe des rites comme ça. Les rites qu'on va faire pour que l'âme désincarnée de M. Magnania, lequel Magnania était criminel, il faisait du mal aux parents et qu'il a laissé des malédictions, on attrape l'esprit de Magnania. Oui, il existe des experts. Bon, moi, je sais le faire personnellement. Je peux aller vamper et quand je sors en vampire, dans d'autres thèmes, je vais dans le monde au-delà accompagner des miens. On va chercher Magnania. On va faire un mandat d'arrêt Interpol international. Mais comme tout, il faut bien comprendre que tout ce qui se passe dans le plan matériel se passe dans le monde invisible également. Donc, on va rentrer et puis on va l'attraper. Donc, bref, voilà un peu la réponse que je peux vous donner pour cette troisième question que vous m'aviez posée. Maintenant, c'est pareil. Pour ce qui est des activités professionnelles, comment évoluer et sécuriser son emploi? Sécuriser son travail. Bon, le comment, oui, mais ce n'est pas en plein live que je peux l'expliquer. Contactez-moi en privé. Il existe des méthodes, le comment. Mais si c'est lié avec la malédiction de la famille, c'est le fait que vous allez délier le tout et détruire cette malédiction, vous verrez qu'il y aura des conséquences positives dans votre vie professionnelle, amoureuse et tout. Mais si c'est en dehors de ça, si vous avez des blocages qui sont indépendamment de votre volonté et que vous ignorez les machins, l'origine, ça peut être vous-même. C'est pour cela la dernière fois que je vous avais dit, j'avais donné un enseignement qui est une forme de motivation sur ma page Facebook. Je disais que pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous en êtes maintenant là où vous êtes? Pourquoi les choses ne marchent pas pour vous? Hein? Ne mettez pas forcément le blâme sur les parents, ne mettez pas forcément le blâme sur les voisins, ne mettez pas forcément le blâme sur Jésus ou bien je ne sais pas trop qui, ne mettez pas forcément le blâme sur Dieu. Quelque part, j'ai expliqué qu'il y a trois raisons fondamentales. Soit c'est vous-même qui êtes à l'origine de tout, il faut vous blâmer vous-même, vous avez fait tellement du mal aux gens, hein? Ou bien c'est votre karma. Hein? J'ai expliqué cela. Donc, il faut voir tous ces paramètres-là. Et pour ce cas-ci, oui, il y a la possibilité de le faire, surtout si vos malheurs, les échecs et tout proviennent d'une malédiction collective familiale, le karma collectif. Des problèmes de croissance sexuelle, virilité, endurance. Bien, il faut comprendre que, je l'ai toujours dit, toute question en rapport avec l'impuissance sexuelle, en rapport avec le dysfonctionnement sexuel, je ne recommande pas de fétiches pour cela. Je ne recommande même pas de médicaments. Pourquoi? Je vous explique. Mais parce que j'ai donné un enseignement dessus où j'explique que tout ce qui est de dysfonctionnement érectile, tout ce qui est d'impuissance, tout ce qui est sécheresse vaginale ou quoi que ce soit, c'est souvent lié avec les somatismes. C'est-à-dire, tout ça sont des maladies psychosomatiques à 80 voire 90%. Et qu'est-ce qui contribue à ces somatismes-là? Les somatismes, c'est quoi? C'est tout ce qui vient de l'environnement direct et indirect. Donc le stress, l'instabilité politique, l'instabilité économique, l'instabilité. Les affaires ne marchent plus. Vous avez du business, mais on a tendance à oublier les réalités. Aujourd'hui, par exemple, bon, sauf nous au niveau des États-Unis, hein, la preuve en est que notre président a même décidé que jusqu'au niveau licence dans les universités, ce sera maintenant cadeau. L'État va tout payer. Et c'est le seul président dans l'histoire du monde, des États-Unis d'Amérique, qui a sorti un décret pareil. C'est une joie. Les Américains sont contents. Mais le fait d'avoir imposé le masque depuis l'année dernière, mais ça crée des frustrations. Ça entraîne. Donc, le masque, le corona, la mauvaise gestion d'un pays, la maltraitance, les choses que vous voyez tous les jours, les chiens qui souffrent dans les rues, les chiens qui sont mal nourris parce que les parents sont incapables d'en prendre soin, les filles ou les femmes qui se prostituent, qui sont dans la prostitution de luxe. Les universités qui sont délabrées, ça ne marche pas. Tout cela, c'est ce que moi j'appelle des somatismes. Et ces somatismes-là, ça, ce soit de manière directe, environnement direct ou indirect. Indirect, ben, on aura tendance sûrement à accuser le gouvernement, parce qu'on ne contrôle pas ce que le gouvernement fait là-bas. Mais on mettra le tort sur eux. Moi j'appelle ça indirect parce que. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que ce gouvernement-là, réellement, dans la vérité, dans le fond, ils n'ont plus l'argent? Parce qu'il y a eu certains voyous qui ont détourné des milliards, mais les pauvres qu'ils gèrent maintenant là, ils sont en train de payer les pots cassés. Voilà pourquoi moi je dis ça, c'est ce qu'on appelle indirect. Parce qu'il faut être quand même reconnaissant. Mais par contre, il y a des gouvernants, oui, qui sont conscients que vraiment, ils ont foutu du bordel. Mais, donc, tout cela, parlant justement de l'impuissance, parlant des érections, des problèmes sexuels, des endurances, votre endurance peut baisser parce que vous êtes bombardé par tout cela. Et surtout si vous avez une femme qui se plaint trop. Ça, c'est encore d'autres problèmes. Vraiment, moi, je ne travaille pas, mais vraiment, ça ne va pas. Oh, yayo, regarde-moi mon mari. Non, si c'est comme ça, moi, je crois que j'irai même attraper un copain. Et quand la femme parle comme ça, ce genre de mots-là affecte le mental de l'homme. Et ça peut entraîner des faiblesses. Donc, le premier remède, c'est apprendre d'abord à nettoyer. Et j'ai appelé ça dans les autres enseignements. Ça s'appelle la désintoxication. Il faut vous désintoxiquer de toutes les toxications ou de toutes les toxiques qui proviennent de l'environnement direct et indirect. Oui, mais monsieur Nouvier, vous êtes aux États-Unis, vous gagnez bien votre vie. Comment vous allez me dire ça? Nous, ici, là, au Gabon, c'est compliqué parce que la personne qui pose la question, elle est au Gabon. Vous avez vous-même dit tout à l'heure, la gouvernance, l'état de les business, ça ne marche pas. Mon dossier au niveau des PME a été rejeté. On préfère donner le marché à un Béninois, à un étranger, parce que moi, je n'ai pas donné de l'argent sous enveloppe. Je vous en prie, c'est que je parle. Bon, on ne parle pas politique ici, mais malheureusement, c'est des réalités. Oui, je sais, mon frère, c'est des réalités. Mais justement, il ne faut pas permettre ces réalités-là de tuer ton énergie sexuelle. Mais tu ne peux rien faire. Parce que je vous jure que tout homme, de la naissance jusqu'à l'âge de 100 ans, 150 ans, tant qu'il vit, est capable de tout bander. Mais sauf que son érection baisse en fonction de l'âge. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu impuissant. Je veux dire, la force n'est plus la même, mais il est toujours capable de se mettre en érection. Comme j'ai toujours dit, un jeune de 18 ans jusqu'à 28 ans, son érection garde est à 360 degrés. Mais de 35 jusqu'à 50 ans, l'érection est à 180 degrés. De 50 jusqu'à 75 ans, son érection est à 90 degrés. Donc, il est plus ou moins pointé et orienté devant seulement. Ce n'est plus machin. Maintenant, de 75 ans jusqu'à 95 ans, voire 100 ans, ben, son érection va être en dessous de 90 degrés d'érection. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en érection. Là, je mesure de 360 degrés à 90 degrés. Le danger serait quand ça va à 0 degrés. Mais à 0 degrés, c'est la mort totale. Et souvent, ces 0 degrés proviennent, comme je l'ai dit, à cause des somatismes. Existe-t-il des solutions? Oui. Parce que je sais que pour vous qui vivez en Afrique, Ce que je dis là va vous paraître trop dur, mais monsieur Olivier, vous allez demander de ne plus penser. Mais tant qu'on vit avec ça, on va toujours vivre des machins. Donc, oui, il existe des médicaments. Contactez-moi en privé, je peux vous donner la liste des médicaments naturels. D'accord? Ce sont des médicaments qui ont été testés, qui sont mesurés scientifiquement. Ces médicaments auront pour rôle non seulement de vous redonner l'envie, et ensuite vont multiplier les cellules de vos organes. Parce que quand on devient faible, on appelle ça comment? Les veines, là où le flot sanguin ne peut plus bien passer, le sang ne passe plus bien, ne pompe plus bien, donc les veines s'affaiblissent. Du coup, il faut donc, y a des médicaments ici qui permettent en sorte que les veines là deviennent encore plus grosses. Ça va donc ou créer l'ouverture de vos veines et créer la naissance de nouvelles cellules. D'où le phénomène du grossissement de l'appareil. Donc, votre appareil grossit, non pas parce que littéralement ça va devenir gros, non, mais parce que ces médicaments ont pour rôle de booster, de provoquer, d'ouvrir, de nettoyer toutes les veines qui étaient bouchées. Parce que le bouchage de ces veines-là est créé justement par les somatismes, créé par la mauvaise alimentation et autres. Donc, à votre question, je répondrai oui, il y a des médicaments aussi. Mais retenez que les médicaments que moi j'encourage le plus, c'est plutôt les médicaments psychologiques. Les médicaments naturels, il y en a. Bien. Les jumeaux, vous voulez savoir qui sont les jumeaux? Mais les jumeaux sont des êtres comme vous et moi. À la différence qu'il y a eu au niveau de la course de tous les spermes, de tous les spermes qui sont des millions de spermatozoïdes, de la goutte de sperme, il y a eu des millions de spermatozoïdes qui ont couru. Mais il s'est avéré que l'œuf a accepté deux. Et puis ils sont rentrés. Mais même les deux qui rentrent ne sont pas forcément avec les mêmes caractères, hein, rassurez-vous. La science le prouve. Ils ont les mêmes mentalités probablement. Ils ont le même esprit. Ils sont nés le même jour. Donc il y a beaucoup plus de probabilités pour ces deux-là de créer des dommages ou de créer du bonheur pour les gens. Voilà pourquoi il y a des rites. Comment parler avec eux? Mais vous les parlez comme tout enfant. Qu'est-ce que vous voulez savoir là, parler avec eux? Hein? Il y a des rites qu'on fait. Parce que votre question n'a pas été précise. Est-ce que vous venez d'avoir des jumeaux? Si vous venez d'avoir des jumeaux, il existe des rites. Moi, j'ai assisté à ces rites-là. Il y a des rites qui existent. Comment parler aux jumeaux et tout, communiquer, machin. Le rite de bienvenue. Parce que c'est des êtres très fragiles et compliqués. Comment retenir les rêves? Bon. La méthode que j'ai toujours recommandée aux gens est une technique toute simple. Avant de vous endormir, il faut récapituler tout ce que vous avez fait durant la journée, tout ce que vous avez pensé durant la journée. Et chaque matin également au réveil, il faut essayer de se rappeler des rêves que vous avez eus. Donc, vous faites ça pendant une, deux, trois semaines, voire un mois, c'est fini. Vous verrez, vous n'allez plus oublier les rêves. Voilà la technique. C'est tout. Bien, posez-moi les questions sur l'écran. Bon, il y a une maman là, oh là là, je sais qu'elle est branchée. Elle m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Les audios même, bon, là, d'autres questions, je vais lui répondre individuellement. Maman, vous avez 43 ans. À l'âge où vous êtes, vous m'avez expliqué beaucoup de phénomènes, beaucoup de choses. Vous êtes branchée sur la spiritualité, c'est une bonne chose. Mais il y a un problème, c'est que vous n'arrivez pas à faire les enfants. À 43 ans, faut-il jeter l'espoir de ne plus avoir des enfants? Je ne peux pas dire non. Mais en écoutant votre audio, ce que je découvre, c'est qu'il y a des choses que vous ignoriez. Et je préférerais vous en parler en privé. Je vais vous faire une consultation gratuite. Il y a des choses que vous ignoriez. Rappelez-vous de votre jeunesse, entre l'âge de 21 ans jusqu'à 29 ans. Je répète, de 21 ans jusqu'à l'âge de 29 ans. Que faisiez-vous? Qui vivait avec vous? Quels sont les mecs que vous sortiez? D'accord? Donnez-moi ces réponses tout à l'heure en privé. Je vous fais des révélations énormes. D'accord? Bon, maintenant, les autres questions sur le Mbumba. Oui, le Mbumba Yano, ça se fait. Le Mbumba Yano peut aussi vous aider. Et vous m'avez parlé de la femme de nuit. Maintenant, la mémoire me revient. La femme de nuit n'est pas forcément responsable. Bon, pour votre cas, puisque vous êtes une femme, c'est votre mari de nuit. Est-ce qu'à 43 ans, ben, puisque vous n'avez pas encore atteint la ménopause, ça veut dire que vous pouvez encore faire les enfants. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Que la femme peut, si elle continue à avoir ses règles, même jusqu'à 55 ans, Il y a des cas exceptionnels. Il existe des hormones ici aux États-Unis et en Europe. On vous pompe ces hormones-là et vous continuez. Bon, sauf que c'est des enfants qui ont de 7 à voire à 10% de chances de devenir des enfants mongols. Je parle des enfants qu'on pompe à partir des produits pubalgiques, qu'on fait là, des histoires, des hormones là. Là, je parle des mamans qui sont au-delà des 50 ans. Pas pour toi. À 43 ans, n'aie pas peur. Tu peux faire un enfant en bonne santé. C'est vrai que c'est risquant parce que ce sera le tout premier. Il faut faire donc le rite de Mbumbayano. Voilà, la question, c'est là qu'on m'a posée. Il faut faire le Mbumbayano. Il faut donc faire la recherche des vieilles mamans qui ne couchent plus avec les hommes. Parce que ça, c'est le véritable rite. C'est comme ça se passe. Le rite de la femme du mari de nuit, il faut supplier votre mari de nuit. Il est seul, il est certainement très jaloux. Voilà pourquoi je vous prie de me donner en privé. Je ne vous demande pas de me donner ça ici en public. Qu'est-ce que vous avez fait entre l'âge de 21 ans et 29 ans? Il y a eu des choses. Mais moi, j'ai le souvenir. Simplement en écoutant votre audio, je ne vous connais même pas. Je ne connais pas votre visage. On ne s'est pas encore vu. Mais c'est des révélations que mes gens-là me disent. Donc, on aura le temps d'en parler. Mais seulement, le rite de Mbumbayano, oui, ça peut aider. Mais ce n'est pas suffisant. Pour votre cas, ce n'est pas le Mbumbayano qui va résoudre tout le problème. Il y a d'autres entités, il y a d'autres rites qu'il faut faire. Il y a le Mbumba, il y a le lore aussi qu'il faut faire. D'accord? Il faut faire également le lore. Mais renseignez-vous à Port-Gentil, puisque je crois que vous devez être à Port-Gentil quelque part, que la technique de le lore également, il faut l'introduire. D'accord? Mais faites attention, quand hier je me fâchais, ce n'est pas que j'étais fâché, quand je parlais des histoires des bah, Jésus, les histoires des églises là aussi, peuvent contribuer à un blocage pour vous d'avoir des enfants. Oui, ça existe. Donc, c'est très important. Parce que vous allez dire, oui, je suis allé prendre mon enfant à l'église. Qu'est-ce qui vous dit que, est-ce que l'église donne des enfants aux gens? C'est le pasteur qui a prié. Mais quand il a prié, qui vous dit que, qu'est-ce qui vous dit que c'est réellement Jésus qu'il est allé prier? Bref, vos interventions, j'ai écouté vos audios, c'était tellement long. Mais on avance, je vais vous répondre en privé tout à l'heure. Maintenant, je vais répondre aux questions qui sont sur l'écran. Bonsoir, mec. Ok. On ne doit pas absolument en manger. Bon, quand on parle de ne pas manger la viande, je vous ai bien dit, oui, vous voulez que je vous réponde comment? Il ne faut pas manger la viande de sang, je vous l'ai dit, oui. Bon. Autre question. Est-ce qu'il est possible pour une sorcière de prendre spirituellement un enfant qui est destiné à une autre femme? Nous sommes en Afrique, oui, bien sûr. Je ne sais pas comment vous parlez par quelle sorcière, parce que votre question n'est pas très claire là. Est-ce que vous êtes en rivalité? Je ne sais pas. Oui, la réponse est oui, il y a possibilité. Mais maintenant, il faut me mettre le scénario. Est-ce que vous êtes en rivalité, parce que ce genre de cas arrive toujours quand vous êtes en rivalité. Il arrive aussi qu'au sein de la famille, il y a des mamans qui font des affaires, qui prospèrent, qui ont beaucoup d'argent, et souvent elles peuvent prendre les enfants que les enfants de la tante, de la sœur, au sein de la famille. L'autre sœur a fait beaucoup d'enfants, mais cette dame-là, comme elle est sénatrice, comme elle est ministre, pour maintenir son pouvoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toujours prendre le vampire, les énergies. Elle va prendre spirituellement les enfants qui sont destinés à une autre personne. Ah, là, je comprends. L'aspect de votre question, est-ce que l'enfant qui vous est destiné, une autre femme peut prendre ça pour mettre dans son ventre? Si c'est ça le sens de la question, je ne sais pas. Hein. Cette technologie, j'avoue que là, je reconnais mon ignorance. Je n'ai pas vu un cas comme ça. Mais pour le premier cas, oui. Je m'explique. Pour le deuxième cas, veut dire que, est-ce qu'il est possible que vous, un enfant, vous êtes destiné et maintenant, l'autre femme va venir voler cet enfant. Et je vous dis déjà que même dans la réalité, c'est impossible. Parce que comment il va savoir que l'enfant vous est destiné? Il faut d'abord que vous soyez en grossesse. Parce que l'entité désincarnée, comme je vous explique le phénomène d'en grossesse, le phénomène d'un enfant, comment l'enfant vient au monde. Un enfant vient au monde, c'est par un phénomène incarnatoire. Bon, moi, monsieur Onouvier, ok, je suis là, c'est moi qui vais m'incarner, par exemple, dans le ventre de ma fille. Bon, mais entre-temps, si je comprends bien le sens de votre question, est-ce qu'il y a possibilité qu'une autre femme peut oser me voler mon esprit à moi, moi qui suis destiné à aller chez ma fille? Ah non, non, non, non, non. Il faut d'abord que je te connaisse. Et en plus, si je te connais, je te dis, mais toi, tu es qui? Tu n'es pas ma fille, qui es-tu? Voyez-vous, parce que je vous avais dit que dans le monde invisible, les grands sages, le comité qui décide par décret au cours des grandes réunions dans le monde de la, au niveau de la deuxième et troisième sphère, donc là où se trouvent nos ancêtres, lorsqu'il y a réunion et qu'on décide que c'est Monsieur Onouvier ou bien c'est Madame Ibadiahoya qui doit s'incarner dans le ventre de Mademoiselle Mbumba, il n'y a pas possibilité, ce n'est pas évident que ce sera Mademoiselle Ogandaga qui, par son vampire, va décider que oh, Ibadiahoya va aller dans le ventre de Mbumba. Alors ça a commencé comment? Moi, je vais voler Ibadiahoya. Il faut d'abord qu'elle connaissent d'abord qui est Ibadiahoya. Et en plus, le phénomène d'incarnation, le sorcier n'a pas la maîtrise de pouvoir aller dans l'au-delà pour visiter toutes les millions de familles qu'il y a dans le monde de l'au-delà. Non, non, non, non. Donc, votre question-là, si c'est dans ce sens, je vous dis, c'est pour ça que je dis, j'avoue mon ignorance. Mais aucun sorcier ne vous donnera la réponse contraire à la mienne. Ça n'existe pas. Mais par contre, si la maman, comme je vous ai pris le premier exemple, il y a une femme qui, elle, les dieux lui ont donné le pouvoir, c'est d'être forte, d'avoir le succès, d'être une femme d'affaires, d'être toujours ministre, mais jamais avoir les enfants. Oui, elle peut vous voler ces enfants-là, c'est-à-dire à chaque fois que vous tomberez en grossesse, puisqu'il y a une entité qui est destinée à pouvoir s'incarner dans le ventre, hein, dans votre ventre, mais par contre, Madame Orémombé, qui est ministre, elle est là, elle a ses génies qui vont lui dire que voilà, ta nièce là bientôt va être en grossesse. Alors, est-ce que tu veux prendre? Ah oui, allez-y me voir ça. Donc, le génie ou le démon, vous appelez ça comme vous voulez, va donner à Madame Orémombé l'information que, oh, l'esprit qui va s'incarner dans le ventre de ta nièce là, c'est l'esprit de Moréon ou bien, pardon, faut pas prendre des risques. Ou bien, c'est l'esprit de Mwemboro. Ah, Mwemboro, oui, ça va. Tu peux attraper ça. Si c'est dans ce sens, oui, ça existe. Je ne sais pas si on s'est compris. Quelle est la question encore sur les viandes rouges? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez-y voir un médecin, oh, si vous avez l'anémie, pardon, il faut aller voir un médecin. Moi, je vous ai seulement donné ce que les maîtres me disent. Ne mangez pas les viandes rouges. Un point, c'est tout. Bon, maître, je voudrais savoir. Je souffre des insomnies depuis plus de 2 ans. Bon. Maintenant, quand vous me posez des questions comme ça, votre insomnie, là, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous faites des gardes? Est-ce que vous avez changé de garde? Parce que l'insomnie a plusieurs causes. Ça peut être un déséquilibre du sommeil. À l'époque, quand j'étais inspecteur de pétrole, souvent, on travaillait à des heures impossibles. Et ensuite, quand je travaillais plutôt. Oui, quand j'étais inspecteur, c'est ça. Il y a des moments où on travaillait la nuit. Ce qui fait que c'est la journée que je dois dormir. Et à Rabi, là-bas, ça a fait le contraire. Je travaillais la journée. Et quand j'étais arrivé ici, il y a un boulot où je ne travaillais que de nuit. Alors, ça perturbait un peu mon sommeil. Mais je réparais ça vite par mon yoga, bien sûr. Donc, l'insomnie, le manque de sommeil, peut être occasionné par plusieurs, causé par plusieurs raisons. Ça peut être le changement brutal de vos habitudes de sommeil. Et ça peut être la consommation de certaines substances. Le fait de consommer certaines substances. Le fait de consommer les alcools. Le fait. Comment dirais-je? Il y a plusieurs raisons de prendre des drogues. Voyez-vous, donc dans votre cas, je ne sais pas. Quand vous souffrez des insomnies, ce n'est pas forcément la sorcellerie, je peux vous le dire tout de suite. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que la sorcellerie va être sur ma dernière liste. Je m'explique. Personnellement, quand il y a des grands sorciers qui veulent souvent m'attaquer, j'ai l'insomnie. Je n'arrive pas à dormir. Mais mes entités me le disent. Ils disent non, si tu dors. Nous, le type là, son esprit est trop fort. On va se battre fort, fort, fort. C'est vrai, mais toi, tu vas être fatigué. Donc, ne dors pas. Donc, ça, c'est la dernière option. Mais cette insomnie-là, ce n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non, non, non. Ça, ça m'est arrivé il y a de cela peut-être 25 ans ou 30 ans. Je crois que j'étais encore même au Gabon. Donc, il y a des insomnies mystiques, des insomnies qui sont créées par le fait que il y a un sorcier qui veut venir vous pénétrer, mais vos esprits qui vous protègent vont vous dire, pas question de dormir, reste là. Et ça peut durer un jour, 2 jours, tant que les sorciers vont s'entêter, surtout si vous partez maintenant habiter dans un quartier où il y a plein de sorciers. Comme j'ai vu une blague là qui paraît que le préfet ou bien le maire de Tchibanga aurait demandé aux habitants de Tchibanga d'arrêter un peu leur vampire parce qu'il a senti qu'il était menacé peut-être. Bon, c'est une blague au passage, je ne sais pas si c'est vrai, c'était dans les réseaux. Bref, l'insomnie, il faut d'abord nous dire, faut me donner l'historique, c'est-à-dire, est-ce que vous faites un travail où vous changez régulièrement d'écart? Parce que quand vous changez régulièrement d'écart, si vous allez dans le corps médical, ou bien vous travaillez à la Sobraga, parce que Sobraga travaille 24 heures sur 24, on va décider que cette semaine, vous êtes absente. Oh non, vous allez travailler de 7h à 15h. Oh non, maintenant aujourd'hui, vous allez travailler de 15h à 23h. Oh non, vous allez travailler de 23h à 7h. On vous fait travailler pendant 3 semaines de 23h à 7h. Ou bien une... Donc, quand vous faites cela et que vous n'êtes pas un initié, moi, dans mes initiations, on m'apprend comment réguler le corps. Je connais comment parler à mon corps, donc je n'ai aucun problème. On me fait travailler de nuit et quand j'arrive chez moi, je donne la commande à mon corps que dors et le corps va dormir. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et justement, c'est par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, c'est quand le serpent de Kundalini est en éveil, vous êtes capable de faire tout ça. Vous commandez, vous faites une commande à votre corps, corps, dors. Il faut que je dorme, mon corps doit se fatiguer, se reposer. Bien que réellement, ça choque beaucoup de personnes, vous n'êtes pas obligé de dormir parce que Dieu ne dort pas. Hein? Je dis aux gens, je dors parfois 2 jours, 2 heures seulement par jour, sur 7, hein? 7 sur 7, 2 fois 2 heures seulement. Mais je suis toujours en forme. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion-là, que Dieu ne dort pas. Et puisque vous êtes un Dieu, vous êtes esprit, eh bien, normalement, vous ne devez pas dormir. Bon, mais pardon, je ne veux pas vous amener là-bas. Pour votre cas, il faut me dire. Est-ce que vous faites l'écart? Est-ce que vous consommez des drogues? Donc tout ça, c'est ça contribue. Une question, moi qui est Betty, un sous-groupe de peuple. Oui, qu'est-ce que ça a à voir avec les Betty là? Il y a une grande, il y a un grand serpent. Oh, je connais le peuple Béti. Bon, un sous-groupe de quoi? Du peuple Ekama, oui. La légende qui raconte que pour fuir les musulmans, il y a... Non, laissez ça, laissez ça. Ça n'a rien à voir ici, là. Les histoires, on a dit, moi j'appelle ça c'est des influences de conscience collective. Ça peut vous calboigner pour rien. C'est quel genre de serpent qui doit être en nous? Oh! Vous êtes venu en retard, hein? On parle du serpent, vous venez parler des vrais serpents. Pourtant, au début, je vous ai bien dit qu'il ne s'agit pas d'un vrai serpent. On parle de la divinité qui est en vous. Kundalini Yoga. Cet enseignement est réservé aux gens qui font le yoga. Il existe quelque chose qu'on appelle le serpent de feu. Le serpent de feu, c'est, dans le langage des hindous, ils appellent ça Kundalini. C'est un yoga, quoi. Donc, le serpent en question, ce n'est pas le python ou bien je ne sais pas quoi là. Non, non, non, non, non, non. Non, ça n'a rien à voir. Le serpent est même utilisé dans l'allégorie chrétienne, utilisé dans la médecine, utilisé même là-bas au désert. Souvenez-vous, Moïse avait dit que, bon, maintenant, tous ceux qui ont été mordus par le serpent là, pardonnez, mais voilà ce que Tetan Mwanga a dit. Désormais, vous allez regarder sur ce serpent. Donc, il a créé une croix sur laquelle il y avait un serpent. Et à chaque fois, quand quelqu'un se faisait mordre par le serpent, il regardait le serpent là et puis voilà. Le venin mourait, le venin disparaissait. Mais ce serpent-là, est-ce qu'on a dit que c'est un python ou bien un cobra? Non, non, non, non, non. C'est symbolique. Donc, c'est le même serpent qui est dans notre corps, là. Et j'ai bien expliqué, il faut suivre la vidéo. Oh, j'ai même pris le dessin, je vous ai montré le serpent en question. C'est notre colonne vertébrale. Dans notre colonne vertébrale, il y a un corps énergétique. C'est ce corps énergétique qu'on appelle le corps de lumière. Et d'autres, dans d'autres techniques avancées, on appelle ça le corps, mystique. Et c'est ce corps mystique ou le corps divin. En d'autres termes, c'est votre esprit. Dieu vous a créé à son image. L'image de Dieu est en vous. Mais à cause du péché, disent les religieux, nous les mystiques, on dit c'est à cause de l'ignorance. Et c'est endormi. Maintenant, pour réveiller, les hindous, eux, ils ont trouvé une technologie qu'on appelle la technologie du serpent de feu, de Kundalini. Donc le serpent de feu. Donc pour réveiller ça, eux, ils expliquent de leur façon. Mais chez les chrétiens, de fois, on vous dit, le Saint-Esprit pour entrer en vous, vous ceci, cela. Il n'explique pas les phénomènes. Parfois, il y a des chrétiens qui luttent, qui ont des tentations fortes. Mais comme ils ne connaissent pas, voilà pourquoi ils chutent. Après, ils vont dire, non, on ne vit pas la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu. Mais quelle grâce de Dieu? Mais parce qu'ils ne connaissent pas la technique. Et j'enseigne ça également dans la mystique chrétienne. Comment faire en sorte que vous ne soyez plus esclaves du péché et que le péché n'ait plus trop de force sur vous? Comment dire non au péché? Mais c'est un peu similaire à ce que j'explique ici, sauf qu'ici, c'est une technologie hindoue et tibétaine surtout, qu'on appelle Kundalini Yoga. Et c'est ce Kundalini Yoga-là qu'on appelle le serpent de feu. Tiens, il faut que je change donc le titre, là, parce que là, ça va effrayer beaucoup les gens. Il faut bien comprendre. Depuis, à l'introduction, je viens d'expliquer. Le serpent qui est en nous, comment vous allez avoir un python en vous? Il n'y en a pas de python en nous. Le serpent qui est en vous, c'est le serpent spirituel. Voyez-vous? C'est ce serpent spirituel dont je parle, c'est-à-dire qui est situé au niveau de votre colonne vertébrale. Et notre colonne vertébrale a la forme d'un serpent. Maître, je ne te fais pas de garde. Vous travaillez dans les administrations du Gabon. Mais je ne trouve pas le sommeil. Je ne trouve le sommeil qu'à partir de 6 heures. Donc là, vous avez un problème, il faut voir un médecin. Il faut voir un médecin. Avez-vous essayé de voir un médecin? Si le médecin dit qu'il est incapable, allez-y voir maintenant l'Enganga. Parce que là, ça peut être le dernier point que j'ai dit là, c'est-à-dire qu'il y a des sorciers qui vous guettent. Soit vous habitez dans un quartier. Toi, tu es où? Tu travailles où, là? Dans l'administration. Bon, j'espère que ce n'est pas un ministre qui est là. Parce que si vous êtes ministre ou bien grand quelqu'un, les gens du quartier peuvent aussi vous en vouloir que le ministre là, attends, on va lui donner les insomnies. Je blague, hein? Mais malheureusement, il y a des sorciers comme ça. Donc. Il faut voir un médecin. Maintenant, si le médecin ne trouve pas la solution, dans ce cas, Nathalie, il faudrait. Voilà, vous dites, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Waouh! Mais donc, dans ce cas-là, non, il faut voir un médecin. Avez-vous vu un médecin? Si le médecin dit qu'il est incapable, dans ce cas, il faut vous tourner vers les experts de la magie. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient nous parler du prêt. Oh, Tatignambi. J'ai déjà expliqué le prêt. Vous êtes venu en retard. Suivez la vidéo. C'est une petite fille, mais. Depuis la naissance de ma fille aujourd'hui, là, elle a 14 ans. Et depuis, je n'ai plus de retard. Vous avez d'abord quel âge? Hein? Depuis là, je n'ai plus de retard. Oui, il faut d'abord voir. Si vous n'avez plus de retard, il faut voir votre âge. Votre fille, la dernière fille, vous l'avez à 4, elle a 14 ans. Je ne sais pas quelle est votre, on appelle ça comment, quelle est votre situation maritale. Est-ce que vous êtes mariée ou bien vous êtes demoiselle? Bon, maintenant, si vous êtes demoiselle, vous savez, si je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais si c'est le pays d'Afrique, là, mais vous êtes exposé à toutes les manipulations magiques, sorcières de tous ces hommes-là qui ne sont pas honnêtes, qui vont vous gâter, qui vont vous donner les millions, la belle voiture, tout, tout, tout, mais en retour, dans un contrat mystico-spirituel, ils vous calboignent. Ça peut expliquer tout ça. Donc, il faut tenir compte de toutes ces réalités-là. Et souvent, ce genre de questions, vous pouvez me contacter en privé, je vous fais des consultations. Et les gens m'ont demandé combien ça coûte, mais les consultations classiques, les questions à réponse, souvent, je prends entre 30 à 45 minutes, voire 1 heure. Et là, ce cadre-là, il y a les prix. Vous m'appelez en privé, je vous dirai le prix. Parce que là, je constate que c'est des problèmes très profonds là, qui vous amènent. D'accord? Donc ça, c'est les consultations classiques. Et on peut en discuter à tête reposée. Ici, je veux des questions beaucoup plus en rapport avec l'enseignement ou des questions, machin. Voilà, merci beaucoup, Patricia. Thank you to explain. Parce que ici, là, les gens vont maintenant dire, ah, yo, le maître a parlé d'un prêt, on va aller emprunter de l'argent à la banque. Non, non, non, non, non. Quand il est 23 h ou minuit, je n'arrive plus à dormir. Mais quand... Je dors avant ces heures-là. Je dors bien. Y a-t-il une explication? Non, c'est votre corps. Il n'y a rien de mystique là. C'est votre corps, d'abord. Il faut donc apprendre à discipliner votre corps. Justement, le yoga nous apprend à discipliner le corps. Maintenant, il y a aussi le côté mystique. Le côté mystique est lequel? C'est que parfois, je ne sais pas, est-ce que vous êtes dans une démarche spirituelle? Parce que si vous êtes sur un cheminement spirituel, ça peut s'expliquer. Moi, ça m'arrive. Et moi, je vais forcer. J'oublie de vouloir faire des travaux. Je suis fatigué. Maintenant, je vais dormir. Rien. L'œil, je tourne à gauche. Mais les entités me disent, mais toi, tu es comment? Tu nous as habitués à parler avec nous entre 23 h et 1 h du matin. Et toi, tu oses dire parce que tu es fatigué, tu vas dormir. Allez, viens ici, là, parle avec nous. Et dès que je me mets à parler avec eux, c'est fini, le sommeil vient comme un bébé. Donc, c'est là. Pour votre cas, si vous trouvez que ces heures-là sont difficiles à dormir, ça veut dire que prenez ces heures-là pour méditer. C'est un conseil gratuit. Prenez ces heures-là désormais pour méditer ou bien prier. Priez. Bon, si vous êtes chrétien, priez le Notre Père, je ne sais pas trop qui, alléluia. Si vous êtes musulman, faites ce qu'on appelle dans l'islam les douahs. Ceux qui sont musulmans connaissent ce qu'on appelle les douahs. Ce sont des prières spéciales. Il faut les intensifier durant ces heures-là de l'insomnie. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes ni musulman ni chrétien et que vous êtes comme nous autres traditionnalistes, en ce moment, faites les rites des ancêtres. Parlez avec eux. Convoquez-les. Engueulez-les. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent. Montrez, donnez, donnez-moi un signe. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Bien, je crois qu'on a fait le tour de tout. Vers qui s'orienter au niveau du Sénégal pour nous accompagner dans le yoga? Moi, je ne connais pas. Vous êtes dans quelle ville? Si vous êtes à Dakar, il doit y avoir le yoga là-bas. Dans les grandes villes du Sénégal, il y a les centres de yoga. Mais seulement, attention, attention, il y a tellement de macros. C'est que je vous recommande, vous qui êtes au Sénégal. Bon, c'est vrai, le yoga là. Et pourtant, le yoga est beaucoup plus présent dans les pays musulmans, ce qui me surprend. Et je sais que le Sénégal, c'est plus de 50% musulmans. Bon, même si c'est le pays qui bat le record de consommation de liqueur, je ne sais pas là où vont les alcools là. Bref, cherchez, renseignez-vous. Ça dépend. Dans les grandes métropoles de Dakar, je sais qu'il existe forcément des écoles de yoga. Et commencez même par le Hatha Yoga, de base. Le Kundalini, là, ce n'est pas enseigné n'importe où, je vous dis. Même ici aux États-Unis, on les compte. Il n'y en a même pas plus de 55 personnes qui enseignent ça ici, là. Je vous parle des États-Unis, il y a près de 400 millions d'habitants. Il n'y a même pas 55 personnes. Donc, rassurez-vous que c'est un yoga compliqué, scientifique. Mais peu de gens s'intéressent à ça. D'accord? Mais ne vous découragez pas. Renseignez-vous au niveau de Dakar, si vous êtes dans la zone de Dakar. Bon, si vous êtes hors de Dakar, des autres villes là-bas, renseignez-vous. Forcément, il y a les gens qui font le yoga. Parce que je sais. D'ailleurs, mon maître de yoga, mon tout premier maître de yoga, était musulman. Voilà pourquoi vous voyez les musulmans, ils sont très souples. Parce que souvent, ils mélangent les techniques de yoga dedans. J'espère qu'on a fait le tour de toutes les questions. Nathalie, vous m'avez écrit sur quoi? De quoi il s'agit? De quoi vous m'avez écrit? Vous voulez que je vienne vous répondre au public? Et puis, quand vous m'écrivez, j'ai toujours dit, il faut vous présenter. Mon Dieu, je ne sais pas. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu. Bon, il s'agit de quoi? Vous voulez une consultation? Si oui, je vais vous répondre tout à l'heure. Ça doit être dans l'autre téléphone, bien, je crois que j'en ai terminé sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, pour me résumer, pour éviter la confusion. Comment réveiller le serpent qui est en nous? C'est un enseignement spirituel. Il ne s'agit pas d'un serpent réel qui est endormi dans notre corps, même si on a vu dans certaines situations où il y a des femmes qui faisaient sortir le serpent de quelque part. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un serpent symbolique. Il s'agit de votre divinité. C'est un langage hindou, indien. Eux, dans leur compréhension, ils ne disent pas comment réveiller votre divinité, comment réveiller Dieu qui est en vous. Parce que Dieu est symbolisé par le serpent, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Resuivez la vidéo, vous aurez toutes les explications. Travaillez avec le prêtre. Pour mieux comprendre la maîtrise de la technique de Kundalini, travaillez avec le prêtre. Mais la technique du prêtre, vous ne la trouverez nulle part au monde. Et j'avertis quiconque osera en faire un usage pour écrire un livre sur ça. Il sera frappé par une mort grave, par une punition indestructible. C'est-à-dire que grave même, qu'on appelle grave. Pourquoi? Parce que je vous ai dit à la fin là, tout ce que je dis là, c'est enregistré. Donc, si vous osez vous précipiter à écrire un livre sur ça, je peux vous poursuivre. J'ai déjà des avocats derrière ça. D'accord? C'est le prêt. Et donc, quand vous aurez maîtrisé le prêt en question, pensée, respiration, Respiration avec deux cycles, le cycle d'inspiration et expiration, dont la durée est de 15 secondes à chaque. Cela, induit par la pensée, vous amène à faire bouger l'esprit. Donc, E pour esprit. Esprit ou énergie. L'énergie va bouger et pour que cette énergie commence à s'agiter, il vous faut donc le doigtier. Donc, le toucher, la lettre T. Et c'est en touchant que ça monte. Vous avez donc retenu toutes ces notions de base et les outils dont vous avez besoin, je vous ai parlé. Il faut la musique, une musique spéciale qu'on appelle de Kundalini Music ou encore Yoga Music. Ça, c'est des instruments, enfin, des accessoires nécessaires. Il vous faut brûler des encens, il vous faut faire des bains, faire des ablutions. Cela est très nécessaire pour créer une ambiance assez efficiente. Jeûner, il faut faire des jeûnes, il faut vous priver, il faut vivre dans la chasteté, temporaire ou définitive, ça dépend. Cela est très important. La communication est la clé de mire si vous vivez dans une relation de partenariat ou dans une relation maritale réelle, c'est-à-dire mariée légalement et autre. Ne privez point votre partenaire pour ce genre d'expérience sans une explication aucune, pour éviter les conflits, car tout conflit amène et peut entraîner à l'endormissement de Kundalini. Kundalini n'aime pas le bruit. Et pendant qu'on n'aime pas le bruit, pendant que je parle du verbe ne pas aimer le bruit, l'une des lois maîtresses pour que votre serpent qui est endormi en vous puisse réellement se mettre en éveil constant et vous aider à atteindre les objectifs que vous voulez atteindre dans le plan matériel, il faut toujours garder le silence. Et l'une des méthodes qui consiste à garder le silence, c'est de pratiquer la méditation. Car dans la méditation, tout bruit est restreint. Le silence absolu est recommandé. Voici, en résumé, ce qu'il vous faut pour comprendre ces choses-là. Les encens et autres, il y a une ambiance qu'il faut créer. J'espère que ça a été clair. Que Teta Monga vous bénisse. Dans un enseignement assez spécial, qui est pourtant de l'humour, c'est ça mon domaine en fait. C'est ça la pièce maîtresse qui a fait de moi un maître. C'est ce yoga-là. Donc, profitez-en de cette connaissance, surtout ceux qui sont déjà branchés. Et quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter. Retenez bien. Désormais, vous connaissez ce qu'il faut faire. Lorsque la colère commence, lorsque les érections commencent, mais ces érections, souvent, c'est la chaleur. Les colères, c'est souvent des colères explosives. Ça veut dire que vous pouvez tout casser au passage. Des colères qui vous font perdre même la maîtrise. Et quand vous vivez cela, touchez, parlez, faites monter. Donnez la commande pour qu'il monte. Et il va vous obéir. Il va vous libérer. Et il continuera son chemin. Parce qu'il frappe à votre porte. Le fait qu'il frappe à votre porte, c'est ce qui explique ces ébullitions à l'intérieur. Parce que vous l'avez déjà réveillé. Et là, la méthode de réveil de Kundalini ou l'éveil de votre conscience cosmique, spirituelle qui est en vous, votre divinité, ça ne se passe pas en étant paresseux. Vous avez commencé un travail et c'est ce travail qui provoque son réveil. Et ça, quand le dragon se réveille, hein, la queue du dragon peut tout casser au passage. Oui, dans la tradition taoïste, dans la tradition des bouddhistes, des chinois. Quand le dragon se réveille, mais il y a des dégâts. Mais tout comme ce serpent, quand il se réveille, les dégâts qu'il crée. Et si vous ne maîtrisez pas ces dégâts-là, vous allez accepter de vous faire frapper par la queue, mais vous reprendrez tout à zéro. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un enseignement trop métaphysique, mais réservé uniquement aux initiés du yoga. Maintenant, les autres, si vous voulez en profiter, tant mieux. Que Teta Monga vous bénisse. Merci encore. I think, Patricia, you probably understood everything about this typical Kundalini yoga. The only explanations was about this prayer. Prayer. Ready. The readiness here is not about it's not about borrowing money from a bank. For you understood everything. You gotta keep the discipline. Kundalini yoga is about the discipline, the timing. Soyez tous bénis. Que Teta Manga vous bénisse. Merci encore. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver sûrement mercredi prochain. Je répète, mercredi prochain. Ceux à qui me disent qu'ils m'ont posé des questions, machin. Mon temps est très précieux. Hein? Donc, j'espère que quand vous me dites que vous voulez me parler là, nous allons passer aux conditions. Je vais vous dire combien il faut payer pour les consultations. Et puis voilà, je vous dirai ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Parce que là, je suis beaucoup sollicité. Donc, merci et merci encore. Soyez tous bénis et passez un bon week-end. Mon dernier jour de parler, c'est demain. Donc, je peux parler aujourd'hui, vous pouvez me poser des questions, je peux parler demain. Mais à partir de dimanche, tout est fermé chez moi. C'est la loi du silence. Dimanche, lundi et mardi, je ne parle pas. J'espère qu'on s'est compris. Que Teta Manga vous bénisse. Merci encore.